J'attendais enfin aux douceurs bien. Épargne-moi tes âmes, rends-moi plus sincère, tout dis-moi plus sévère. Aux douceurs. Éclaire ce vide, rends-moi plus candide et n'en parlons plus. Que ces promesses ne parlent plus. Je veux le meilleur d'aujourd'hui, plus qu'on espère, plus que l'on rêve. Je veux le meilleur d'aujourd'hui. Plus qu'on espère, plus que l'on rêve. Lumière, éblouis mon les yeux. Je ne te demande pas mieux, ne vois-tu pas? Et ne parlons plus. Je veux le meilleur d'aujourd'hui, plus qu'on espère, plus que l'on rêve. Je veux le meilleur d'aujourd'hui, plus qu'on espère, plus que l'on rêve. Please come back. Please come back. Je veux le meilleur d'aujourd'hui.